Vendredi 19 avril 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et toujours un plaisir de vous retrouver ainsi pour parler 9e art comme à tous les vendredis. Et comme à l'habitude, des émissions bien remplies malgré qu'on respire peut-être un peu plus après le 26e festival de la bande dessinée francophone de Québec qui était à Québec évidemment la semaine dernière. On avait le plaisir d'être là nous aussi également évidemment. Et de participer à ce marathon d'activités, de rencontres, etc., etc. Et ben pour la semaine qui suit cet événement, ben on poursuit tout de même sur notre lancée avec des belles rencontres qu'on vous proposera au fil de l'émission. En quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec Réal Godbout, l'auteur de L'Amérique chez La Pastèque, entre autres. Évidemment, on lui doit aussi la superbe série Red Ketchup. On aura aussi l'occasion de discuter un peu plus tard dans l'émission avec Julien Paris-Sorel de Front Froid. Il viendra nous présenter le front tome 6, volume 6. Et également, on portera quelques regards sur des sorties récentes avec Marco Duchesne qui nous partagera cette semaine ses commentaires BD. Alors, c'est le menu pour l'émission d'aujourd'hui. Et sinon, dans l'actualité, ben, quelques éléments également à surveiller. Notamment, le prix de la BD de la FNAC a été remis au Loup des Mers, en fait l'ancien partenaire du festival d'Angoulême qui a dévoilé donc le lauréat de ce nouveau prix. Première édition. Et donc, c'est Le Loup des Mers de Riff Rebs qui a été choisi donc par ce jury composé des adhérents et des libraires du réseau de la FNAC. Alors, qu'est-ce que Le Loup des Mers? Ben, probablement que ça vous évoque donc ce roman d'aventure de Jack London. Donc, c'est effectivement l'adaptation BD-esque de cet ouvrage qui faisait partie d'ailleurs des 30 albums nominés là, pour ce prix. Et sinon, autre élément d'actualité que j'ai trouvé, ma foi, fort cocasse et qui montre à quel point on a des réflexions à avoir en tant que société dans la définition qu'on a de la notion de pornographie. Pourquoi je mentionne ça? Vous connaissez peut-être, pour les utilisateurs de téléphones intelligents, la plateforme Isneo. Donc, c'est une plateforme de bande dessinée numérique qui est disponible donc pour ces différents types d'outils, dont notamment les produits Apple. Et Isneo avait quand même un certain catalogue assez imposant. Ils ont dû récemment donc retirer 40% de leur catalogue pour iPad. Pourquoi? Mais parce que ils offrent donc aux lecteurs et lectrices du contenu qui était jugé comme étant pornographique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pornographique? On entend des séries comme L'Argo Winch, comme 13, comme Blake et Mortimer, alors qui ont été vertement dénoncés donc par les tenants d'Apple. Donc, la question, justement, revient à voir, qu'est-ce qui est exactement de la pornographie? Peut-on représenter, dans le fond, les corps humains nus en BD sans que ce soit considéré de la pornographie dans un contexte comme celui-là? Bon, est-ce que c'est de la pudibonderie? Bref, il y a quand même des petites réflexions à faire. Et d'ici là, on peut être à la fois découragé et trouver ça légèrement drôle et pathétique également à la fois. Alors voilà, donc quelques clins d'œil autour de l'actualité. Et maintenant, on a le plaisir de recevoir, il est au bout du fil, Réal Godbout, auteur de L'Amérique ou le disparu qui vient d'être publié il y a à peu près un peu plus d'un mois là, à La Pastèque. Monsieur Godbout, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, adaptation évidemment du roman du même nom, du roman inachevé de Franz Kafka. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire cette adaptation BD de ce roman-là? Ben, je l'ai lu il y a très longtemps. J'étais tout jeune, je commençais à faire de la bande dessinée quand j'ai lu le roman. Puis déjà, ça m'avait frappé, je sais pas, je voyais un côté qui se prêtait bien à l'adaptation. Parce que à l'époque, il y avait peut-être pas beaucoup, même encore aujourd'hui, beaucoup d'adaptations de de romans en bande dessinée. Vous venez de parler du Loup des mers, là, mais il y en a quelques-uns. Mais à l'époque, ça sortait un petit peu de l'ordinaire, là, de ce qu'on connaît comme registre, là, comme genre en bande dessinée. Récits d'aventure, récits des gags ou de la science-fiction ou du policier. Bon, ça sortait un peu de ça. Mais en même temps, je trouvais que c'était très riche comme atmosphère puis comme récit pour une bande dessinée. Puis ce qui me frappait aussi, c'est que la perception qu'on a souvent des œuvres de Kafka, c'est quelque chose de très sombre, mm-hmm. de très cérébral, de très sérieux. Alors que quand on sait bien lire Kafka, on voit tout l'humour qu'il y a là-dedans. Puis en particulier dans ce roman-là, L'Amérique, qui est le roman le premier qu'il a écrit, il n'a même pas terminé en fait. Donc c'est un roman de jeunesse, on peut dire. C'est sûr qu'il y a un côté sombre, tourmenté aussi, parce que ça, ce ne serait pas du Kafka, là, mais il y a un côté léger, un côté humoristique. Il y en a qui ont comparé ça à des films de Chaplin. Oui, mais en fait, moi, je voyais à la limite un peu les temps modernes ou des éléments ben comme effectivement, ça. Effectivement, c'est un petit peu. L'histoire est différente, là, mais c'est un peu comme quand j'ai commencé à le dessiner. Donc, c'est, pour revenir en tout cas à ce que je disais tantôt, c'est un projet que j'ai eu pendant beaucoup, beaucoup d'années. Puis à chaque fois, j'y repensais, j'ai relu le roman une couple de fois dans l'intervalle. À chaque fois, j'y repensais, je me disais, oui, il faut absolument que je le fasse un jour. Fait que finalement, je me suis décidé, ça a pris quand même 7 ans pour le réaliser. Pas à temps plein, là, mais quand même, c'est un gros ouvrage, on peut dire. Oui, mais je pense, en fait, le roman, globalement, si je me trompe pas, il fait à peu près, quoi, 350 pages? Oui, une longueur moyenne pour un roman. Et une adaptation en 160 planches, donc ça a dû être un exercice, quand même, un bon défi d'adaptation, là. Ah, ben, il y a un travail d'écriture. Il s'agit pas de faire du copier-coller avec le texte, de prendre des paragraphes du roman puis de coller des illustrations au-dessus. Je voulais vraiment que ça ait la forme d'une bande dessinée, donc... tout en restant fidèle au personnage, au récit, le plus possible à l'esprit de Kafka. Là, c'est, que, mm-hmm. c'est sûr qu'il doit être respecté, là, parce que c'est quand même un auteur. Bon, c'est certain que je voulais pas trahir l'esprit de Kafka, mais c'est quand même, d'une certaine façon, complètement réécrit. Donc, j'ai pas pris des phrases telles quelles du roman. C'est sûr qu'il y a dans les dialogues, il y a des bouts qui peuvent se retrouver, mais c'est entièrement reconstruit, réécrit pour y donner la forme et le rythme d'une bande dessinée. Oui, bien en fait, c'est un peu ça, j'imagine, la clé aussi d'une bonne adaptation. Il faut être au service du médium qu'on veut exploiter puis du récit qu'on veut présenter dans ce médium. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'approprier le récit. Là. Puis à un moment donné, à partir d'un certain moment donné, j'ai dit, bon, ben là, je traite cette histoire-là comme si elle était entièrement de moi. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon aussi d'être fidèle à Kafka sans que ça soit que ça a l'air comme une trop servile, là, qu'une adaptation littérale, ça aurait pas été intéressant. Fait, je pense que ça donne un récit vivant, je pense. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression aussi, Réal Godbout, que l'œuvre se prête un peu aussi doublement à ce type d'adaptation-là, parce qu'on mentionnait d'entrée de jeu, c'est un roman inachevé, et si je me trompe, il y a même des trous à l'intérieur du récit aussi, il n'y a pas vraiment de fin, puis il y a des espaces à combler. Oui, pour la fin, j'ai gardé essentiellement la même fin que dans le roman, qui est ce qu'on pourrait appeler une fin ouverte. Mm-hmm. Là, je ne raconte pas l'histoire, il faut lire l'album, mais ou le roman, on a le choix. On peut lire les deux. Oui. Mais bon, c'est une fin ouverte, on peut dire, mais pour moi, ça marchait de façon satisfaisante comme fin. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est justement, c'est des trous à l'intérieur du roman, plus vers la fin un petit peu avant la fin. Il y a des bouts à un moment donné où, ça s'enchaîne pas. Mm-hmm. Donc, j'aurais pu aussi... Dans l'album, dire, bon, ben, avertir le lecteur, ami lecteur, voici, là, ici, il manque un bout parce que c'est pas de ma faute, parce que c'est le roman qui est incomplet. Mais, au lieu de faire ça, dans le fond, j'ai dit non, je ne tentais pas de montrer les ficelles, là, j'ai dit, je vais broder un peu pour remplir les trous, sans trop extrapoler, là. Je dis, ça faisait partie aussi du travail d'adaptation. Donc, dans le travail d'adaptation, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on élimine, parce qu'il faut simplifier, sans que ça ait l'air d'un résumé, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on enlève. Puis, il y a des choses qu'on ajoute aussi à certains endroits, évidemment. Des fois, il y a des choses qui sont rendues par des descriptions dans le texte qui peuvent passer juste par le dessin. Oui, en fait, ça devient un peu, on crée quelque chose d'équilibré et tout ça autour de cette histoire, donc d'un jeune homme, Carl Rossmann, qui est un peu à la manière, en fait, parce qu'il y a vraiment une structure road movie pour moi dans ce récit-là, où on va de rencontre en rencontre, un côté feuilleton, où on le suit à la découverte, et entre guillemets, là, du rêve américain. Ouais, effectivement. Ben, le côté road movie, le côté feuilleton, j'ai toujours aimé ce genre de... Ben, quand je faisais Michel Risk ou Red Ketchup, il y avait un petit peu ce côté-là aussi. Puis on retrouve un peu ce genre de récit-là où on passe... C'est pas nécessairement un récit qui au départ serait planifié du début à la fin, ou qui tourne autour d'une intrigue unique. C'est vraiment une succession d'événements. Puis on suit le personnage avec son... On peut appeler ça aussi roman d'apprentissage. Mm-hmm. Sauf que c'est quasiment un désapprentissage, ou enfin, c'est parce que le personnage essaie de... C'est un adolescent qui était une histoire triste, dans le fond, aussi, mais qui est drôle aussi, mais bon. C'est un adolescent qui vient de Prague, comme Kafka, puis qui était exilé par ses parents, parce qu'il a été séduit par la bonne. Lui, il est tout à fait inconscient, innocent là-dedans, puis la bonne est tombée enceinte. Puis là, les parents, on comprend pas exactement pourquoi, mais ils l'ont exilé, ils l'ont envoyé en Amérique. Ils l'ont mis sur un bateau, puis on ne veut plus le voir. Donc, il débarque en Amérique, quasiment pas d'argent, il ne connaît pas la langue, très peu de ressources. Mais là, il y a une suite d'événements heureux et d'événements malheureux qui se succèdent, puis il passe vraiment d'un extrême à l'autre, puis il y a des coups de chance, puis des malchances. Et puis, il essaie de se faire une place dans la société américaine, une société qui est quand même dur, qui est quand même... puis qui a de la misère à comprendre aussi. Il a de la misère à comprendre comment... Bon, éventuellement, il apprend l'anglais. Il arrive à se trouver... Il est adopté par un oncle multimillionnaire, mais Monique, qui va le chasser. Oui, parce qu'il y a un côté très, très absurde, justement, dans les péripéties, dans ce qui arrive, dans la mesure liée un peu avec cette incompréhension-là que lui a, mais aussi qu'on aurait très bien dans un contexte similaire, avec des réactions qui sont limite improbables, absurdes, surprenantes. Il y a une forme d'absurdité, mais dans le fond, je pense que ça correspond... C'est un récit qui est un petit peu décalé, là, je veux dire, c'est pas un roman réaliste, puis j'ai pas voulu faire une bande dessinée réaliste non plus, je veux dire, c'est très documenté, puis tout ça, mais en même temps, c'est pas une bande dessinée historique, c'est une bande dessinée d'époque, mais c'est pas une bande dessinée historique. Ça se passe à peu près vers 1912, 1913, en fait. Mm-hmm. Mais le côté absurde, c'est ça, c'est une absurdité qu'on peut retrouver dans la vie. Les gens, dans notre entourage, font pas toujours ce qu'on s'attend qu'ils fassent. Mm-hmm. Donc, des fois, il y a des comportements, quoi, des gens qui... On se dit, pourquoi ils font ça? Je veux dire, c'est un peu inattendu, puis ça nous laisse un petit peu... on est pris au dépourvu, des fois, par les réactions des gens autour de nous. Puis, il y a un peu de ça. C'est pour ça, quand on parle d'absurdité, c'est un peu ça, entre autres. Puis, qui est mise en évidence aussi, j'ai l'impression, par moment, par le côté peut-être un peu naïf, justement, de l'adolescent de Rossmann, en réaction à tout ça, puis qui réussit quand même à garder un certain optimisme aussi. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est comme d'autres personnages de Kafka, là, bon, Joseph K. dans Le procès, puis ainsi de suite, il y a un côté victime, mais en même temps, il est très... c'est quelqu'un qui a comme une énergie, puis qui est très optimiste, puis qui est très déterminé, puis qui veut faire sa place, mais qui en même temps très candide, très naïf. C'est ce qui crée un peu le sens du personnage. Oui, puis c'est ce qui amène aussi, ben, en fait, ensuite, évidemment, comme c'est un road movie, c'est centré un peu aussi sur son apprentissage, comme vous l'avez dit. C'est lui qui va être le fil conducteur aussi à travers toutes les péripéties. Ben, c'est lui qu'on suit. On rencontre beaucoup de personnages épisodiques, mm-hmm, qui sont très colorés. Entre autres, il y a une espèce de castafiore là-dedans. Il y a deux escrocs qui l'accompagnent. Il y a son oncle. Il y a du monde bizarre un peu qu'il rencontre. Mais lui, c'est lui qu'on suit tout le long du récit. Et j'imagine, pour un dessinateur, pour un scénariste, il y a un plaisir aussi à créer, à imaginer cette galerie de personnages, cette galerie de lieux aussi qu'on découvre au fil du récit. Ben, effectivement, je veux dire, il y avait comme ce que j'appelle le jeu du casting, là, trouver un caractère, un type physique à chaque personnage qui est décrit dans le roman. Je me suis même permis de donner la tête de Franz Kafka à un des personnages qu'on voit, personnage secondaire quand même, mais c'est vrai, on le voit sur la couverture, entre autres pour cette raison-là. Puis évidemment, il y a un jeu, ce serait essayer d'imaginer à quoi pouvait ressembler. Parce que les personnages dans le roman sont décrits, mais en même temps, ça laisse une place à l'interprétation. Puis pour les lieux, ce qui est amusant aussi, c'est que Kafka lui-même, il n'avait pas beaucoup voyagé à l'époque, puis il n'est jamais venu en Amérique. Donc, c'est une Amérique imaginaire pour lui, puis dans les descriptions, ça ressemble beaucoup à l'Europe. Même si dans le roman, ça fait un peu le charme du roman aussi, on a l'impression que des fois, ça se passe à New York, mais ça pourrait aussi bien se passer à Prague ou à Vienne, ou des lieux comme ça. Alors que moi, ben, je trouvais cet aspect intéressant dans le roman, mais en même temps, moi, je suis un Nord-Américain, je suis déjà allé à New York. Ben, j'arrive 100 ans plus tard, là, mais quand même, je veux dire, j'ai une vision d'une sensibilité nord-américaine. Puis en fouillant un peu, en me documentant, puis tout ça, j'ai essayé de reconstituer un monde qui est peut-être plus américain que dans le roman, mais ça, je veux dire, c'est parce que j'ai moi-même... C'est de se permettre la rencontre, dans le fond, entre les deux visions, que ce soit, que comme vous l'avez dit au départ, vous vous appropriez l'œuvre d'un auteur, et d'une certaine façon, c'est un peu comme si vous travailliez avec un scénariste, ou avec un co-scénariste, à tout le moins. Oui, sauf qu'il est mort. Exactement. Mais oui, effectivement, il y a cet aspect-là, je veux dire, puis c'est souvent, quand je faisais Red Ketchup, puis Michel Risque avec Pierre Fournier, c'est sûr que la dynamique était différente, mais il y avait quand même cette... Ça fonctionnait pas nécessairement sur la même façon, mais il y avait une interaction, justement. On faisait le scénario à deux. Fait que, il y avait aussi cette dynamique-là de co-scénariste. Est-ce que la présence, justement, d'un deuxième acolyte présent, actif, qui travaille conjointement un peu sur le développement du scénario, qui peut donner un avis, un regard, est-ce que ça manque un peu quand on se lance dans un projet solo comme ça? Ben, d'une façon... Oui, mais ben, pas vraiment, parce que je me suis dit au départ, moi, dans le fond, je suis capable d'écrire des scénarios de bande dessinée. L'écriture ne m'inquiète pas. Je suis capable de voir comment c'est construit, comment fonctionner. Je suis capable d'écrire un bon scénario. Pourquoi je travaille? Ben, je travaille avec Pierre Fournier parce que ça fonctionnait à l'époque. Mais aussi, bon, parce que dans le fond, il y avait plus d'idées. Deux têtes valent mieux qu'une, là. Il y a plus d'idées qui sortaient. Là, dans ce cas-ci, avec Kafka, ça me donnait un peu l'assurance que cette histoire-là valait la peine d'être racontée. Mm-hmm. C'est peut-être, moi, ce qui me ferait hésiter de travailler, je pourrais le faire, je vais sûrement le faire à un moment donné, puis je suis capable de le faire, mais de raconter une histoire, faire une bande dessinée sur un scénario complètement à partir de zéro. Comme je vous dis, je me sens très bien capable de l'écrire, mais en même temps, j'aurais toujours le doute, est-ce que cette histoire-là vaut la peine d'être racontée? Mm-hmm. S'il n'y a personne pour me le dire à côté, je dis, ben là, à un moment donné, on peut hésiter. Là. Je dis, ben, j'imagine que tous les écrivains ont ce doute-là. Mais évidemment, en travaillant avec cette histoire-là de Kafka, même si je la transforme, si je la traite différemment, puis je me dis au départ, oui, c'est une bonne histoire. Puis encore là, c'est pas nécessairement son meilleur roman. Mais ça reste que c'est du Kafka. Puis du Kafka, moi, j'ai comme une vénération pour Kafka. Là. Oui, puis en même temps, c'est très BDS. En fait, c'est un récit. On a l'impression, en fait, en lisant les BD, que ça s'adapte bien. En fait, qu'il y a quelque chose, comme vous le disiez dans le ton, qui fait que ça se transpose bien et qu'on retrouve effectivement dans le roman. Il y a, si ce n'est dans cette notion un peu de rythme qu'on peut créer, qu'on peut amener, pour créer un récit qui est vraiment dynamique. Il y a le côté drôle. Mm-hmm. Je pense, quand je parlais de l'humour dans Kafka, particulièrement dans toutes ses œuvres, mais comme je disais, il faut savoir le voir. Il y a même un côté burlesque, des fois, là, je sais. Mm-hmm. Puis j'ai essayé de mettre ça en évidence dans la mise en scène, puis dans le dessin, puis tout ça. Il y a ce côté caricatural. C'est un humour un peu grinçant, là, mais moi, c'est pas du Gaston Lagaffe, là, je disais, mais je trouve quand même, il y a beaucoup d'éléments que je trouve très drôles là-dedans. Puis le côté aussi, par rapport aux autres romans, c'était peut-être un peu plus en huis clos. Mm-hmm. On était un peu enfermés dans un... Bon, tandis qu'ici, il y a comme un... Il y a un côté, il y a des parties qui sont à huis clos. À un moment donné, il passe, je ne sais pas combien de temps, sur un prisonnier sur un balcon dans un building. Mais il y a un côté récit de voyage, malgré tout, là-dedans. Il fait la découverte d'un pays inconnu. Donc, ça, pour le dessinateur aussi, c'est le fun d'essayer d'évoquer, d'aller à la découverte d'un monde là, qui, enfin, y a un décalage historique, mm-hmm. là, mais... C'est le plaisir aussi de se permettre ce décalage-là aussi, puis d'avoir l'excuse toute faite, entre guillemets, pour pouvoir justement s'amuser un peu avec l'histoire, avec un trait qui est quand même, somme toute, assez réaliste, mais justement... Oui, mais réaliste, mais un petit peu décalé. Oui. Ben, d'ailleurs, je veux dire, ça, c'est connu, là, je veux dire, mais en tout cas, dès le début dans le roman, quand le personnage de Carl Rossman arrive en bateau dans le port de New York, dans la première phrase, il écrit le statut de la liberté qui tient une épée. Mm-hmm. Puis pourquoi une épée plutôt qu'un flambeau, c'est bon, on peut trouver toutes sortes d'explications. Moi, la première case de l'album, effectivement, c'est, on voit l'épée comme ça. C'est que déjà, on reconnaît le statut de la liberté, c'est réaliste, mais en même temps, oups, il y a quelque chose qui cloche un peu. Là, je veux dire, c'est pourquoi une épée? Mais bon. Fait que c'est un petit peu une façon de traiter le décor, l'ambiance aussi. Il y a toujours ce petit côté un peu décalé. En apparence réaliste, mais juste un petit peu à côté. Et on invite les gens à le découvrir, justement, ce récit, cet univers de Kafka revu par Réal Godbout, adapté par Réal Godbout. Ça s'appelle L'Amérique ou le disparu, c'est chez La Pastèque. Et avant de vous laisser, Monsieur Godbout, évidemment, chez La Pastèque aussi, vous travaillez toujours, et on a vu plusieurs intégrales des Red Ketchup, plusieurs volumes apparaître. Je crois qu'il en reste un à faire. Et plus que ça. Quelques-uns à faire, en fait. Oui. Ben, en fait, dans Red Ketchup, pour rapidement, là, il y a l'intégrale est supposée... en fait, la série complète est supposée avoir 9 albums, dont le dernier reste à compléter. Mm-hmm. L'intégrale regroupe les albums 3x3, donc il devrait avoir 3 tomes à l'intégrale. Fait que dans les albums réguliers, le 6e devrait paraître cet automne. Okay. Ça va être L'Oiseau, cette surface. Puis un peu plus tard, l'année suivante, normalement, on devrait avoir l'intégrale, le tome 2 de l'intégrale, parce que le tome 1 était paru l'année dernière. Le tome 2 devrait paraître donc un peu plus tard. Et vous avez parlé du récit inachevé en fait d'Elixir X, et en fait qui s'était pas terminé alors que le magazine Crow avait arrêté d'être publié. Et est-ce que pour conclure justement un peu cette réédition-là, est-ce qu'on pense compléter l'album, terminer l'album? Oui, bien sûrement. Disons que c'est dans les projets. Je ne dirais pas à court terme, parce qu'il y a quand même d'autres albums qui vont sortir avant, mais il faudrait s'y mettre bientôt. J'en parle souvent avec Pierre Fournier. Les gens m'en parlent souvent. Puis je pense que... On s'était dit au départ, quand on a commencé la série des Red Ketchup, si il y a un intérêt, un accueil suffisamment du public pour la série, ben on va au moins terminer le 9e qui avait été fait à moitié dans le temps. Ça va être un peu particulier ça va être quasiment 20 ans plus tard de reprendre l'histoire, mais pourquoi pas. Et en parallèle, d'ailleurs, ça doit être assez agréable de pouvoir replonger un peu et retravailler sur une réédition, donc des albums, de ces albums, et en même temps d'albums aussi qui ont marqué l'univers de la BD québécoise, ça, il faut le dire. Oui, ben effectivement, ça garde... dans le fond, je suis très chanceux d'avoir eu l'occasion, justement, de voir mon travail qui revient en surface, qui a une deuxième vie, pour ne pas dire une troisième ou une quatrième. Puis qu'il y a encore un intérêt pour ça, puis la Pastèque fait un beau travail d'édition. Puis là, c'est l'édition définitive, d'autant plus que les Red Ketchup, il y en a qui avaient paré l'album en album à l'origine, mais là, il y avait juste 3 albums, alors que ce qu'on va faire à la Pastèque, c'est 9 albums, c'est l'ensemble de tout ce qui était fait dans la série. Alors, on continue de suivre tout ça. Réal Godbout, merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Au revoir, merci. Au revoir. Alors voilà, on s'entretenait avec Réal Godbout autour de l'apparition donc de cette Amérique ou le disparu. Évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher un petit clin d'œil également à l'apparition et la réédition des Red Ketchup. Et nous, on prend une courte respiration musicale. Tiens, on écoute un extrait de Spaceman Fantastic avec donc un extrait qui s'appelle 2 AM, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Thank you. voilà donc extrait de la formation Spaceman Fantastique, toujours ici au 89.1. Et petit clin d'œil, tiens, Valérie, en pause, à une bande dessinée qui est arrivée dans ma pile de BD tout récemment, que ça s'appelle Bello Ciao, G8 Gênes 2001. C'est aux Enfants Rouges, une bande dessinée de Francesco Barilli et Emmanuel De Carli. Une bande dessinée dont peut-être le sujet est plus intéressant que l'exécution. Une exécution, somme toute, quand même assez classique. Je pense qu'en fait, c'est quand même un bel exemple de la notion de BD documentaire et même, oserais-je aller un peu plus loin en disant BD d'enquête, dans une certaine mesure, puisque dans ce récit-là, on se retrouve au G8 de Gênes en 2001, où il y avait eu, comme avec beaucoup de G8, plusieurs manifestations qui avaient entouré l'événement. Et lors d'une de ces manifestations, il y avait un acte tragique qui était arrivé. Donc, les policiers qui avaient tiré un coup de feu sur un jeune homme qui est décédé, donc à cette occasion-là, Carlo Giuliani. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est ce qui est décrié d'ailleurs un peu par les auteurs du livre et la famille de ce jeune homme, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement d'enquête autour justement des circonstances de ce décès. Donc il y a eu enquête sur tout, nous dit-on, sauf ça, alors que c'est le crime, le drame le plus sérieux qui a eu lieu lors de ces événements. Alors, en lieu et place de l'enquête juridique, on nous propose donc l'enquête BDesque. Et donc, une enquête qui est construite d'abord et avant tout autour d'entrevues et de témoignages de gens de la famille, de proches de ce jeune homme-là, pour essayer de reconstruire, donc à partir de ces témoignages-là, à partir également des photographies, du matériel audio, vidéo, de reconstruire ce qui s'est passé cette journée-là. Donc, qu'est-ce qui faisait que ce jeune homme se retrouvait là? Qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme s'est retrouvé mort? Et qu'est-ce qui était vrai et faux dans la couverture que les médias italiens ont fait à cette tragédie-là? Et parallèlement, tout ça aussi appuyé par différentes documentations qu'on nous expose d'ailleurs à la fin là, pour nous dire où on s'est inspiré, où on a été chercher ces éléments. Donc c'est pas nécessairement une BD qu'on lit pour le rythme, pour le récit, la richesse de le dynamisme de l'ensemble, mais plutôt pour le message dont elle est porteur et pour l'indignation peut-être qui pourra également l'accompagner. Et je crois que c'est un peu dans l'esprit, dans cet esprit-là que Barilli et Carli ont choisi justement de porter tout ça. C'est ce qu'on nous explique un peu d'ailleurs en préface. Et donc, on retrouve une BD qui démontre bien donc que le médium BDesque peut servir de manière, fort viable dans un contexte d'enquête, donc au-delà de la BD traditionnelle. Et pour ça, ça mérite quand même qu'on lui jette un coup d'œil. Alors, si jamais ce type de récit-là vous intéresse, donc c'est aux Enfants Rouges, ça s'appelle le Bello Ciao. On prend une courte pause. À venir, Julien Paris-Soleil de Franfroy et Marco Duchesne. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances et découvertes musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2013. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 12 mai. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulven D vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés! L'événement Québec Danse à Québec revient en force pour sa deuxième édition qui sera présentée du 22 au 29 avril. Une trentaine d'activités presque toutes gratuites, prenant la forme de spectacles, de démonstrations ou encore de classes d'initiation, seront offertes en divers lieux de la ville. Le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, le parvis de l'église Saint-Roch, Méduse, diverses écoles de danse et même les traversiers Lévis-Québec seront les lieux privilégiés par les artistes, chorégraphes, compagnies, troupes et écoles. Consultez la programmation complète de l'événement sur le site du Conseil de la culture ou culture-québec.qc.ca/Québec-Danse. L'émission Contes de fées reçoit le samedi 20 avril prochain Martine Latulippe, lauréate du Salon international du livre de Québec, Dominique Curtis, auteur en lecture, Tania Masso, libraire jeunesse et Marc Baudet en lecture. Contes de fées, en sortie le 20 avril au Studio P dès 13h au 280 Saint-Joseph-Est. Une invitation du Café Babylone, des amis imaginaires du Studio P, de la librairie Pantoute et de CKRL. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. À l'antenne de CKRL, vous écoutez toujours La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et d'ailleurs, ben, je vous invite, si jamais vous voulez réécouter les émissions qu'on propose ici de manière hebdomadaire, eh ben, c'est possible de le faire via lavieenbd.wordpress.com. On vous invite également à nous suivre via le site de socialisation Facebook, facebook.com/lavieenbd. Et sinon, si vous en avez besoin de plus de moi, eh ben, c'est possible de le faire via voir.ca/Raymond-Poirier. Alors voilà, les adresses sont mentionnées et maintenant on peut passer à notre prochaine invitée. Alors on le sait, à chaque année depuis déjà quand même quelques années, donc l'équipe de Front Froid nous propose leur recueil Le Front, le sixième tome qui a été lancé tout récemment, et on va prendre quelques minutes justement pour porter un regard sur tout ça, sur son contenu, en compagnie du président de Front Froid, Julien Paris-Sorel. Bonjour. Salut Raymond, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, t'es donc bien beau, j'ai bien fait de venir directement sur place. Et justement, fait qui vient de Montréal, entre autres, pour cette entrevue. Julien, peut-être avant de se lancer sur le sixième tome, j'aimerais qu'on parle un peu de la genèse de Front Froid puis du recueil aussi. Qu'est-ce qui avait amené au développement de tout ça il y a 6 ans? En fait, ça fait 7 ans, les deux membres fondateurs, c'était Gauthier Langevin et Olivier Carpentier, qui voulaient faire de la BD de genre. Ils ont lancé un site web et ils se sont rendus compte, en faisant un peu de réseautage, qu'il y avait plusieurs jeunes auteurs au Québec qui faisaient de la BD de genre. Donc, ils se sont rendus compte, hey, on peut faire un collectif, il y a assez de talent, il y a assez de récits. Donc, ils ont lancé, dès la première année, le collectif Le Front, qui regroupait 5 courts récits de BD de genre québécois. Et de ça, dans le fond, on s'est dit, à un moment donné, il y en a peut-être pas assez, on a envie que d'intéresser peut-être les lecteurs d'un côté et les auteurs à la BD de genre au sens large, là. Oui, absolument. Donc, depuis 6 ans, à chaque année, on publie le collectif Le Front, qui regroupe les 5 récits qui sont choisis par les membres de l'organisme. Et tout récemment, cette année, on a commencé la nouvelle collection qui s'appelle Anticyclone, avec Émeute à Golden Gate de Jake Dion et La Petite Révolution de Boom. Et ça a été lancé l'automne dernier, l'été dernier même, pour Émeute à Golden Gate. Est-ce que la réception, est-ce qu'on est content justement de cette expérience-là du côté du Front? Bien sûr, parce que là, maintenant, c'est la collection Anticyclone, c'est des récits en soi, c'est des longs récits, c'est des albums. Donc, c'est plus riche, c'est plus long. C'est pour les lecteurs, c'est peut-être plus intéressant pour ceux qui aiment les récits plus longs. Donc, c'est deux mondes, mais c'est toujours un peu dans le même univers de la BD québécoise de genre. Donc, univers fantastique, horreur, science-fiction, western, polar. Oui, puis ça permet, en fait, j'imagine aussi aux auteurs comme à vous en tant qu'éditeur, donc de pouvoir proposer deux types de produits autour d'un même style, d'un même esprit, si on peut dire. Oui, bien, je dirais que c'est assez complémentaire aussi parce que les auteurs qui publient dans Le Front, au bout d'un certain temps, s'ils ont publié 2 fois ou 3 fois, des fois, il y en a qui reviennent d'année en année, ben nous, évidemment, on les invite à proposer des projets pour des albums solo. Donc, c'est toujours dans le but de professionnaliser les jeunes auteurs dans le milieu. Et parallèlement, il faut dire aussi, quand on parle de BD de genre, c'est une définition quand même assez large. En fait, autant BD d'horreur, science-fiction, il y a de l'humour, c'est pas un style imposé et il y a pas une direction artistique imposée dans le type de dessin, dans le type de récit non plus. Il n'y a pas de contraintes thématiques. Par contre, évidemment, c'est les membres, dans le cas du Front, qui vont voter pour les styles graphiques et les styles de narration. Donc, j'explique rapidement. Tout le monde peut soumettre un projet. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit d'être résident de la province du Québec. Et c'est les membres de l'organisme qui vont voter pour les 5 projets qui sont publiés à la fin de l'année. Encore une fois, tout le monde peut devenir membre. Vous avez juste à aller sur notre site web, frontfroid.com. Et il y a une petite cotisation annuelle de 30$ par année. Vous recevez le numéro auquel vous avez participé gratuitement. Et donc, vous allez avoir accès, les membres, à une section spéciale sur notre site web et vous voyez tous les dossiers qui ont été soumis. On a une cinquantaine de membres par année et une 20aine de projets qui sont soumis. Donc, vous allez pouvoir voir les 2 premières pages et le synopsis, donc le résumé du scénario de tous les projets qui sont soumis et voter pour vos 5 favoris. Nous, on compile ça et on publie à la fin de l'année. Donc, c'est très démocratique comme fonctionnement. Et Julien, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent membres? Est-ce qu'il y a de plus en plus de projets aussi qui sont proposés? Oui, on a eu, c'est croissant à chaque année. Mais là, pour l'instant, c'est ça, une cinquantaine de membres, 20 à 25 projets qui sont soumis, puis on est toujours intéressé, tout le monde est bienvenu, donc on espère que ça va grandir en termes de communauté. Et nécessairement, en tant qu'éditeur aussi, ça veut dire qu'on se laisse peut-être un peu surprendre par le vote populaire qui peut aller dans un sens comme dans l'autre, où il y a des choix que nous, on aurait fait qui finalement sont pas faits, ou c'est en tant qu'individu versus collectif. Là. Oui, absolument. Donc, pour le fond, il y a vraiment un système de laisser-aller un peu en tant qu'éditeur. On est toujours surpris. Évidemment, il y a toujours des auteurs qui reviennent, des habitués, entre guillemets, mais on a toujours du sang neuf. Ça, c'est intéressant de découvrir ou de redécouvrir des talents comme ça qui viennent se rajouter à notre collectif. Oui, puis en fait, quand on parcourt aussi les anciens recueils, ben on découvre quand même aussi plusieurs noms qui aujourd'hui sont édités ça et là, ici ou du côté européen, donc qui ont fait leurs premières armes, entre guillemets, du côté de Francfort. Oui, pas nécessairement leurs premières armes, mais ou que c'était un début de publication. Je pense à Michel Falardeau, je pense à Fred Jourdain, Félix Laflamme, qui ont publié dans le premier front, puis que maintenant, ben, c'est rendu des professionnels qui ont une belle visibilité, puis une belle productivité aussi. Et Julien, Paris-Sorel, on parlait de ce côté, donc, où on laisse les gens choisir, évidemment, donc les membres choisir les albums, les nouvelles qui vont être éditées dans le recueil. Cela dit, vous faites quand même l'exercice d'essayer de trouver justement un espèce de fil conducteur entre les différentes nouvelles. Et pour le front 6, vous avez trouvé que c'était la digression qui pouvait lier un peu les cinq récits. Oui, c'est ça. À chaque fois, on s'amuse à essayer de trouver un fil conducteur, tout ça, pour le simple plaisir de le faire. Puis cette année, c'était vraiment l'idée du refus d'obéir. Donc, chacun des récits comporte un personnage qui transgresse un peu des règles ou qui va au-delà des frontières. C'est l'énergie qu'on a retrouvée à travers les cinq récits qui sont publiés cette année. Et dans le récit de Jake Dion, justement, lui, c'est un vampire, dans le fond, qui essentiellement veut revoir le soleil, veut revoir la lumière. Oui, il est en quête de liberté, de rédemption, puis il y a tout un processus bio-organique de transfert d'énergie. C'est du très bon Jake Dion, pour ceux qui le connaissent. Le dessin est assez à couper le souffle, puis le récit est très intéressant aussi au niveau de la narration, là, comment il fait son découpage. J'ai choisi de mettre deux récits en parallèle qui sont éventuellement, qui viennent se rejoindre. Donc, il y a un jeu... En fait, il réussit à bien exploiter le nombre de cases, qui est quand même assez restreint, le nombre de planches. Oui, c'est assez efficace. Il y a un beau dialogue entre deux personnages. Les deux personnages principaux, là, c'est de toute beauté. Donc, et en même temps, il y a toujours cette idée, il y a toujours le risque, j'imagine, on parle beaucoup de vampires ces temps-ci, de bien en parler, d'amener autre chose. Mais c'est pas Kéten. On n'est pas Jake dans Twilight. Ne fait pas dans le Kéten. Alors ça, c'est un peu le premier récit donc qui est proposé. Il y a Franck Castel, et quand on disait tout à l'heure qu'on va vraiment dans différents styles, dans différents univers, Franck Castel qui, lui, nous amène dans une histoire de guerre. Oui, c'est un récit dans les tranchées qui se passe dans le secteur canadien du front ouest, dans les Flandres, en 1917. Puis, c'est un soldat qui profane un corps, un cadavre et tout ça. Et là, il y a, je veux pas voler de punch, parce qu'on sentait que c'est des courts récits. Particulièrement, celui-là, il est très court. Graphiquement, c'est magnifique. La narration fonctionne super bien aussi. Le thème est bien exploité. On sent qu'il maîtrise bien cet univers-là de tranchées, de guerre sale et un peu crade. Donc, il y a comme une vérité historique qui en ressort un peu, je trouve que... On sent une certaine recherche, j'ai l'impression. Oui. Il y en a fait, d'ailleurs, historiquement, là, il s'y connaît. Et parallèlement, tu disais justement, ça devient très facile de venir casser le punch, parce que c'est des petites nouvelles. Ouais. Et j'ai l'impression un peu qu'on se retrouve aussi un peu dans l'esprit des recueils romans qu'on a pu lire un peu peut-être dans notre adolescence, des fois aussi ou autre, avec les fins peut-être un peu ouvertes, peut-être un peu surprenantes. Donc c'est un beau médium, en fait. Et c'est pas un médium qui est facile non plus à bien exploiter, à bien développer. Là. Non, ça, il faut frapper juste fort, rapidement, au bon endroit, au bon moment. C'est un petit art en soi, la nouvelle, le court récit, le short, entre guillemets. Oui, l'art du bref. C'est ça. Oui, bien dit. Oui, parce que c'est facile c'est difficile aussi de faire un long récit qui se tient, mais c'est quoi à peu près la moyenne des pages? C'est assez bref. C'est entre 8 et 16 planches, donc c'est assez variable, mais quand même, il faut jouer là-dedans. Mais pour construire un univers, faut établir les personnages, faut établir l'univers, donc faut y aller directement. On parlait de Jake Dion d'emblée, enfin on voit le récit, déjà le trait établit une ambiance qui est claire. Même chose avec Castel aussi, donc rapidement, faut aller saisir l'ambiance pour pas perdre de temps. On n'a pas le temps de développer le monde tant que ça, parce qu'il faut aller rapidement au cœur du récit pour pouvoir... Absolument. Alors, il y a ce jeu-là aussi. J'ai l'impression que c'est quand même toujours un bon défi. Si on est capable de faire des bonnes nouvelles, c'est déjà un bon pas de fait. Oui, puis aussi la notion un peu de faire ses premières armes avec le court récit. Pour des jeunes auteurs, moi, je conseille toujours de commencer avec des courts récits plutôt que se lancer dans une série de 8 tomes. Puis de tu sais, c'est pour pouvoir, je pense, maîtriser une longue histoire, il faut déjà maîtriser le court avant, oui, je crois. C'est les mêmes ingrédients, mais c'est juste, dans le fond, plus dirigé, plus condensé. Condensé. Et parallèlement, en matière de condensation aussi, il y a Benoît Vézina avec une chouette histoire, en fait, qui invente une légende, lui, de son côté. C'est notre spécialiste des contes en bande dessinée. Là, il avait publié un autre ici dans le Front 5 aussi. C'est très poétique. Le style graphique fonctionne très bien avec la thématique. En gros, c'est un petit garçon qui est sur une île déserte et l'île est recouverte d'un nuage permanent. Donc, c'est toujours gris, il pleut toujours. Et lui, il essaie de démonter une machine pour aller sortir de ce temps nuageux-là et aller chercher la lumière du soleil. Donc, ça sera pas sans accident et risque et tout. Donc, évidemment, à vous de voir la fin, mais on est très content de ce risque-là. Oui, et en même temps, je sais pas si c'était réfléchi de votre côté de l'avoir installé après le récit de Castel et de Dion, mais on dirait qu'en tant que lecteur, j'étais content d'avoir un récit peut-être un peu plus léger, plus souriant, ça rafraîchit, plus humoristique. Hein. Ouais. Après les deux autres qui sont quand même assez sombres, assez lourds. Là. C'était tout à fait prévu. Oui. et justement, j'imagine aussi tu le disais dès le départ, on fait confiance aux gens dans la sélection, mais j'imagine aussi qu'il y a un plaisir chez les membres à essayer d'aller voir des styles différents, justement aussi, parce que dans les 5 récits qui sont proposés dans le Front 6, il n'y en a aucun qui est similaire. Là. C'est difficile à dire, hein, parce que bon, c'est le pouvoir au peuple et les soumissions sont anonymes. Donc, les gens ne votent pas pour quelqu'un, ils votent pour un récit, pour un style graphique, un thème, une façon de raconter une histoire en BD. C'est certain que, bon, les habitués peuvent reconnaître peut-être le style de quelqu'un qui a déjà publié, mais c'est assez aléatoire, puis au final, on compile, donc c'est vraiment un mélange de l'opinion publique, finalement. Et parallèlement, il y en a qui en profitent aussi pour offrir des extensions papier à des univers qui développent sur le web. C'est le cas de Caroline Brault, en fait, qui fait déjà en ligne, je crois, l'hiver nucléaire, oui. Et qui offre un peu la genèse de son blog. Absolument, c'est la prémisse, c'est le début de l'histoire de Hiver nucléaire. Pour ceux qui suivent cet excellent webcomic, Cab nous propose comment, dans le fond, ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi l'histoire avec les détails de la centrale de Gentilly 3, comment ça a explosé, qu'est-ce qui s'est passé, elle, c'est quoi, en tant que le personnage principal, Flavie, je crois, c'est quoi, ça a été quoi sa réflexion, sa démarche pour se préparer à ce phénomène extraordinaire-là. Et parallèlement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le webcomic, eh ben ça fonctionne quand même aussi. Elle a réussi à, encore là, bien puncher, bien balancer dans le contexte d'une nouvelle avec un punch, avec une fin, avec une histoire qui est autonome également, là, qu'on connaisse ou non le blog. Dans le oui, fond. Ça se tient, c'est ça. Puis c'est un peu le prérequis de nos récits dans les fronts, c'est que ça soit autonome, indépendant, que ça se lise en soi, que le lecteur n'a pas besoin d'avoir lu le 3 ou le 2 avant pour pouvoir lire les autres. Mm-hmm. Donc il pige dans la pile, puis il s'amuse. Et parallèlement, il y a Michael Morin-Hamelin et Étienne Hébert-Vincent, et je parlais autour de la proposition de Jake Dion du côté ambiance qui ressort du dessin. Oui. Dans ce cas-ci, c'est le cas fort. Aussi, ça sointe le jazz et le film noir. Là. Ah oui, c'est un polar à souhait. Je décris un peu, c'est une enquête et tous les personnages ont au lieu de la tête, ils ont un instrument de musique. Donc déjà au niveau de la symbolique, c'est super fort. C'est magnifique l'intégration des notes de musique. Dans les cases, tant au niveau des dialogues que tout simplement de l'ambiance, tout ça, les onomatopées. Donc c'est très adulte comme récit. Et je peux même prévoir, en fait je vous annonce qu'il va y avoir un supplément à ce récit-là sur notre site web très bientôt. Donc, éventuellement, une extension va faire peut-être un album complexe. Pourquoi pas? De route, pourquoi pas? Et en même temps, il y a un plaisir comme ça. Je pense que c'est ce qui ressort beaucoup pour moi, du moins en tant que lecteur du collectif Le Front, autant le 6 que les autres. C'est vraiment la variété des ambiances d'un récit à l'autre. En fait, on joue vraiment dans l'idée de recueil à fond. Je pense que c'est justement de par peut-être le mode de sélection qui permet d'éviter d'avoir une direction artistique fixe, mais plus d'y aller selon simplement la qualité des récits, indépendamment du style, indépendamment de l'univers, etc. Oui, absolument. Mais c'est ça le propre des collectifs. Hein. C'est la richesse, la variété des styles. Moi, j'ai toujours adoré les collectifs parce que c'est étrange, mais j'avais toujours l'impression d'en avoir plus pour mon argent, étant donné que j'avais plusieurs auteurs dans le même bouquin. Bon, c'est relatif, mais... cela dit, je tiens à dire que les deux auteurs, soit Michael et Étienne, ils sont ces deux gars de Québec. Puis celui qui a fait, qui a réalisé l'illustration de couverture aussi, Miguel Bouchard, qui a fait la superbe illustration de couverture, et de Québec aussi. Et parallèlement, Julien, est-ce qu'on a l'impression que le recueil Le Front, c'est quelque chose qui va perdurer, qui est toujours nécessaire, ce type de recueil-là, ce type de produit-là, dans le contexte BD du Québec? Oui, parce que ça nous permet de découvrir des nouveaux talents. Puis pour nous, en tant qu'organisme, c'est vraiment la base. C'est là qu'on va découvrir, justement, là, qui est intéressé de faire de la BD actuellement, qui rentre dans notre ligne éditoriale pour les albums anticyclone. Puis c'est vraiment dans le but de donner un tremplin aux jeunes auteurs. Souvent, c'est leur première publication. Donc pour eux, c'est comme vraiment une porte d'entrée dans le milieu, dans le médium. Et on rappelle le site web? www.fondfroid.com. Et à Québec, ben, on retrouve les albums, les recueils chez les libraires. Le sixième s'en vient très bientôt. Très bientôt. Il est presque disponible. Alors, on surveille ça. Ça s'en vient. Les informations sur fondfroid.com. Julien Paré-Sorel, président donc de Fondfroid, merci. Merci à toi. Et au plaisir. Salut. Et nous, on s'en va avec un petit extrait musical, toujours de la formation Spaceman Fantastic. Et voilà, on entame la dernière ligne droite pour l'émission de cette semaine et on a le plaisir de l'entamer en compagnie de notre collaborateur Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Après, en fait, je parlais du marathon pour moi, du festival. Pour ben toi oui. aussi. Oui, j'ai assisté à quelques événements. Quelques échanges et autres. Et là, on se lance illico, en fait, Marco, sur tes suggestions, parce qu'on parle de tueurs en série de prostitution cette semaine. Ouais, hein, c'est la semaine qui est comme ça. Oui. En fait, deux beaux récits que j'ai découvert comme ça, parce que, bon, en ce moment, c'est un peu calme dans les entrées, et c'est le moment de découvrir des choses qui pourraient passer inaperçues si votre libraire préféré ne veillait pas au grain. Et notamment, c'est le cas de Mon ami Damer, de Derf Bekdert, qui nous amène dans l'univers fantasmé, si on peut dire, d'adolescence, non, dans l'adolescence. Pas du tout. Écoute, il faut d'abord lire cette préface pour nous situer, parce que sinon, tout ça passerait à côté et on se dirait, ah, encore un récit d'un tueur en série. Eh ben non. Derf Bekdert, tu prononces mieux que moi d'ailleurs, est un Américain qui a vécu son adolescence dans une petite ville. Et dans cette petite ville, il a passé son adolescence, les 4 années de son adolescence à l'école secondaire, avec Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, qui, des années plus tard, va s'avérer être un serial killer, qu'on va appeler le cannibale de Milwaukee. Ou oui, en fait, avec des trucs assez effroyables ouais. qu'il a fait. Alors, Bekdert est devenu BDiste. C'est-à-dire que lui, aux États-Unis, dans une espèce d'underground, fait de la BD. Il fait de très jolies BD. Et a décidé de raconter ce que lui a vu de Jeffrey Dahmer. Il a été un de ses copains. Il a fait partie de la gang. Alors, ce que raconte la BD, mon ami Dahmer, eh ben, c'est les 4 ans passés. Et ça se termine avec le premier meurtre. Alors, dans le fond, est-ce qu'il a toujours été ce monstre-là capable de tuer ou est-ce qu'il était autre chose? D'abord, il y a l'intelligence de ce récit, de ce livre, et c'est la vision cas d'Def Barkdef, l'auteur, c'est la vision qu'il a. Et jamais il ne juge. Il nous dit les faits. Jeffrey Dahmer avait un sérieux problème d'alcool. Jeffrey Dahmer, sa mère était une alcoolique et aussi une épileptique. Jeffrey Dahmer se comportait comme si. Jeffrey Dahmer se comportait comme ça. Les fois où il était sous l'influence de l'alcool, des fois, comment il réagissait, il manquait d'empathie avec des gens qui, des gens se blessaient, il riait fort. Ok. On voit tous les éléments et on voit surtout passer une adolescence de l'auteur, normale, avec les copains, aller à la pêche, et l'adolescence moins normale de Jeffrey Dahmer. Et parfois, l'auteur ne juge pas, parfois, il pose des verdicts. Ah, si un adulte s'était intéressé à lui, ah, si on avait pris la peine de ne pas le juger, mais de lui parler. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Et j'ai l'impression que ça change justement aussi, que l'inéluctable finira par arriver. Mais ça, ça rend tous les regards qu'il porte, ça apporte une autre dynamique. Ben oui, en fait, moi, pour ma part, quand on voit des histoires de serial killer, on dit « Ah, le monstre, qu'il meurt, qu'il crève, qu'on réglerait son compte et tout. » Et là... ça nous rend la chose beaucoup plus humaine, c'est-à-dire, ça n'empêche pas que ce qu'il a fait. Mais on voit que, bon, dans toute détresse humaine, dans tout monstre, il y a un ado qui était en détresse et qu'on aurait pu peut-être aider. Et tu parlais, en fait, Marco, que Def Barkdef était dans la scène underground américaine. Est-ce qu'il y a un style qui se démarque particulièrement? Oui, en fait, le style est très carré. Le style ressemble beaucoup à ce qui se fait dans l'underground, hérité de Robert Crumb, hérité de... Ça me rappelait un dessinateur dont j'ai perdu le nom. Bref, très carré, très et les personnages n'ont pas beaucoup d'émotions, entre autres, ce qui aide à faire passer un peu toute l'histoire. Bref, je vous suggère, c'est mon ami Dahmer de Def Barkdef, qui malgré le nom est un Américain et c'est traduit aux éditions Ça et Là, une petite maison d'édition. D'un roman graphique, ça se trouve en librairie. Et Marco Duchesne, deuxième titre pour cette semaine, Le client de Zidrou. Là, je savais à quoi m'attendre. Sérieusement, si l'autre a été une découverte, Zidrou est un scénariste que je commence vraiment à apprécier et à aimer. J'aime beaucoup ses histoires. Il a fait de petites histoires dans des anthologies avec différents dessinateurs et chaque fois, j'en sors de là vraiment là avec... satisfait, repu de ce genre d'histoire-là. Et là, il fait une histoire avec Mann. Je crois que c'est un dessinateur hispanophone, si mes souvenirs sont bons. Alors, un bel album chez Dargaud, ça s'appelle Le Client. Qu'est-ce que Le Client? Eh bien, ça démarre sur les chapeaux de roue. Un type tout à fait normal, un professeur, un restaurateur en art qui donne des cours à des ados en art. Ce professeur rentre dans un bar, va voir le propriétaire. Ce propriétaire se trouve être un mafieux, un proxénète, un bandit de la pire espèce. Il s'assoit à sa table et lui dit, là, j'ai ta fille en otage. Il dit, faut que tu me donnes ce que je veux. Alors, ouf, le bandit, qu'est-ce que ce petit homme à lunettes, au front dégarni, qu'est-ce qui lui a pris de prendre en otage la fille d'un mafioso et là commence le récit tout en flashback pour comprendre qu'est-ce qui l'a amené là. Et là c'est extraordinaire la façon et le dessin est magnifique, il est sulfureux et les couleurs ils sont quand on est dans les bars avec les prostituées les mauves, les bleus, les jaunes et bref, toujours sur l'émotion et on apprend que ce type un soir, après 4 ans de veuvage, 4 ans de deuil qui s'est imposé à la mort de sa femme, décide d'aller au pute, décide d'aller se payer une prostituée. Et la première, il en tombe follement amoureux. Il a une relation avec elle et un moment donné, les bandits lui coupent son fun. Et c'est ça qu'il veut récupérer. Il, il, il, il décide de faire du chantage, de kidnapper la fille du mafieux et il veut ça. Donc, un peu une histoire d'obsession, d'une certaine façon. Et là, on apprend comment... Et tout ça en douceur, tout ça, malgré... Ça, tout ce récit, Zidrou pourrait le faire tomber dans l'espèce de sordide, dans le racoleur, qu'on a déjà vu des millions de fois, dans des millions de séries. Mais pas là. Parce qu'à la fin, il s'en sort. Et c'est ça qui est magnifique. Je sais que je vous donne le punch, mais c'est une histoire à lire. C'est une belle... Malgré... Dans le terreau dans lequel il a semé cette histoire, ben il y a une fleur qui en sort. Ah, c'est intéressant. Et c'est ce que j'aime de Zidrou, de ses récits. Il y a toujours, malgré les couleurs sombres, les récits un peu, il y a toujours cette espèce d'espoir, d'optimisme. Et donc, il ne l'éloigne pas, il garde sa signature, si on peut dire, sa signature narrative. Oui, tout à fait. Alors, c'est un truc que c'est un seul album, c'est une belle histoire, magnifique mis en couleur et en dessin par ce type qui s'appelle Man. Comme je vous dis, je pense que c'est il avait fait des trucs chez Dargo, une série sur des adolescentes qui font du, tu sais, le sport où on se pitche les murs, où on revole partout. Comment? Du parcours, ça s'appelle du parcours. Oui, très populaire en France. Voilà, alors lui avait fait une série là-dessus. Il avait fait aussi une série sur la revanche des filles rondes avec une série d'histoires sur des filles un peu rondes qui se vengent un peu du fait qu'elles sont rondes et que les gars lui prêtent jamais attention. OK, donc quand même des thèmes assez éparses, là, je veux dire. Tout à fait, oui. Les deux se rejoignent, là. Avec ce récit-là. Puis je pense, en fait, l'élément qui m'accroche particulièrement dans ce que tu me dis, Marco, c'est le côté justement paracolaire, parce que c'est une thématique, c'est facile de tomber dans le facile, justement. Oui. Et bon, on a vu avec Chester Brown, notamment, que c'est très possible de le traiter de manière intelligente, de manière réfléchie. Oui, et c'est un autre type de traitement qu'on retrouve avec le client, un autre type d'univers. Tout à fait. Et le fait que, bon, le client, ce professeur d'art, est quand même quelqu'un de cultivé. Alors, tout nous est raconté sous la forme d'une lettre qu'il écrit à sa sœur et à son beau-frère. Alors, évidemment qu'il a des cultures, et tout ça finit en espèce de poésie. En fait, ce qu'il veut, c'est la beauté, le client. Et on découvre justement cette beauté-là, recommandée donc par Marco Duchesne, le client de Zidrou. Et même, Marco, nous on se dit à très bientôt. À plus. À plus. Et c'est ainsi, de notre côté, qu'on termine cette édition de La Vie en BD, en se donnant rendez-vous pour la semaine prochaine. On aura l'occasion notamment de jaser avec Jean-Jacques Rouget, une rencontre de fin de résidence ici à Québec. On parlera également de la bande dessinée Nevada avec son auteur Fabien Dreuil. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.